Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Injetu mi sieta na fitfiti. Aseui aizanu mi sajireu. Injetu mi sieta na fitfiti. Aseui aizanu mi sajireu. Montrez-moi où est l'enveloppe. Aiza levalupi. Aiza levalupi. Montrez-moi où est la clé. Aiza le la clé. Aiza le la clé. Montrez-moi où est le rasoir. Aiza le rasoir. Aiza le rasoir. Montrez-moi où est le verre. Aiza le copi. Aiza le copi. Montrez-moi où est le crayon. Aiza le pensiliazo. Aiza le pensiliazo. Montrez-moi où est le téléphone. Aseui, où est aiza le téléphone. Aseui, où est aiza le téléphone. Montrez-moi où est la montre. Aiza le famataranandro. Aiza le famataranandro. Montrez-moi où sont les ciseaux. Aiza le eti. Aiza le eti. Montrez-moi où est le peigne. Aiza le figo. Aiza le figo. Montrez-moi où sont les lunettes. Aiza le sulmaço. Aiza le sulmaço.